bien, bonjour à vous les amis. Vous êtes bien sur Fadjel 94.2 pour l'émission Call to Be Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux comme Reggae Angels, Michael Rose, Michael Prophet, Jagaya, sans oublier Datune ou encore Ayahuasca, Broussaille et pour finir Chronix. Allez les amis, commençons avec le premier chanteur qui s'appelle Reggae Angels. La chanson est sortie le 13 janvier 2015 et elle se nomme The Way. C'est parti. This is the way to go now. This is the way we invite unto Jah. Jah, Jah, Jah. Those who strive in our cause now, strive in Jah cause. We will guide to our path. Ah, once we strive with might and main. Ah, serving our Creator. Meet us. Jah will point out the direction. The way of Jah is the straight way. Living upright and true. True, true, true. Many have strayed from the straight way. To help those around us, we give of our time and our wealth, we sacrifice of ourselves. The way of Jah is the straight way, living upright and true. mes chers Rasta, c'était Reggae Angels. Je vous propose qu'on continue avec un autre chanteur très talentueux qui se nomme Michael Rose. Il va chanter la chanson Give Thanks. Elle est sortie en 2017 et vous allez voir, c'est juste une tuerie. Allez, c'est parti. Lord Owenay, he reads the trouble me. Many day that rise up against me. Many day be me serve my soul, there's no help for me, Jah. Trouble me, many a day that rise up against me. Many day be we save my soul, there's no help for him in Jah. I will make my day, and I will make my path the way. I will never be the foolish one to depart from my money and go astray. Cause right now we're with the ones with the swords in their mouth and the lion teeth. Aware, aware, beware. The fire is burning now. Les amis, c'était Give Thanks de Michael Rose. Notre prochain artiste s'appelle Michael Prophet. Il est né en 1957 à Kingston et il est malheureusement décédé le 16 décembre 2016. Eh oui, ça vient tout juste de passer. Et c'est pour cela que j'ai pris une chanson que j'aime tout particulièrement de lui, qui s'appelle, excusez-moi, Love and Unity. J'espère qu'elle va vous plaire aussi. Et on écoute ça tout de suite. Thank you. for a keep. The other are flicking rock a cheek. But I man is here to teach you what's right from wrong. Say you know now. Oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oh yeah. Oh. I wanted to be free. Let's live in love and what I need for anything that you do. Jaja all is seeking. Let's live in love and one harmony. Say you know now. Oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oh yeah. Oh yeah. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Lord. The other are picking raw a cheek. But I man is here to teach you what's right from wrong. Please tend me carefully. Let's live in love and I need thee. For anything you do, just see me. I want love family. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oh yeah. Oh, oh, oh, oh, it is mine. Oh, oh, it is mine. Voilà les amis, c'était Michael Prophet. Allez, pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à l'artiste suivant, qui est un chanteur reggae français. Il se nomme Jagaya et sa chanson s'appelle Enfant Soldat. Allez, c'est parti. Against the youth, content qui t'avait le coupable du âme des abusés. Mais le coupable est plus grand, il règne en trafiquant une balle par un enfant se fait shooter. Par enfant jusqu'au dents qui t'avait le coupable du âme des abusés. Mais le coupable est plus grand. Depuis 2003, mes yeux voient défiler corbillards et soldats. L'odeur de la poudre a remplacé celle du macroute. Et depuis, mon peuple nage en plein doute. Quand ma famille n'est plus de ce monde, emportée par le souffle d'une de leurs bombes. Et depuis, je pleure auprès de ma grand-mère, qui sera ce soir la seule héritière. Une balle part, un enfant se fait shooter. Jusqu'au temps qui t'avait le coupable du âme des abusés. Mais le coupable est plus grand, boy, il règne en trafiquant une balle par un enfant se fait shooter. Par enfant jusqu'au temps qui t'avait le coupable du âme des abusés. Mais le coupable est plus grand, c'est bien plus grand. Les armes à contre-cœur louer son âme, c'est par la force des choses, le plein de blanc si rare. Horrifié, affamé, mais parti t'affronter l'horreur du combat. Non, je n'ai pas le choix, mais voudrais m'envoler là-bas, traverser les frontières et goûter à leur liberté. Non, je n'ai pas le choix, mais voudrais m'envoler là-bas. Sens-tu la méfiance, force de vivre dans l'inconscience. C'est pourquoi celui qui était mon ami, d'une balle perdue m'a ôté la vie. Voilà, c'était Jagaya, enfant soldat. Allez, poursuivons maintenant avec un autre chanteur reggae français. Il s'appelle Datun. La chanson se nomme Comme les lions. Je vous laisse écouter et on se retrouve juste après. fichiers que l'on supprime. Tu ne penses qu'au pouvoir, mais n'oublie pas qu'on est tout petit. Comme des lions, on se battra jusqu'au bout pour montrer que l'harmonie est dans nos vies. Babylon Bang, t'es comme un fichier que l'on supprime. Tu ne penses qu'au pouvoir, mais n'oublie pas qu'on est tout petit. Comme des lions. Pour celui qui est tout en haut dans les airs, praise. Celui qui est un repère pour nous et nos frères, praise. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas quoi en faire. Ils ne le comprennent pas, pour eux la vie c'est que du délire. Écoute mon avis, c'est pas s'enfermer dans un bar qu'on boit toute la journée, tu le sais. Écoute mon mec, il va supprimer ce cauchemar. Reprends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Babylon Bang, t'es comme un fichier que l'on supprime. Tu ne penses qu'au pouvoir, mais n'oublie pas qu'on est tout petit. Comme des lions, on se battra jusqu'au bout pour montrer que l'harmonie est dans nos vies. Babylon Bang, t'es comme un fichier que l'on supprime. Tu ne penses qu'au pouvoir, mais n'oublie pas qu'on est tout petit. Comme des lions. Le tout puissant m'inspire, occupe mon esprit. Il me guide et j'espère que tu le ressens dans mes écrits. Si Babylone est partout, rien ne sert de s'enfuir. Mais il est facile de succomber, moi j'ai la foi pour m'en sortir. Alors on réfléchit un peu sur notre avenir et comment nous finirons. A-t-on fait les bons choix, pris les bonnes décisions? Toute une vie à courir, mais dans quelle direction? Babylon Bang, t'es comme un fichier que l'on supprime. Tu ne penses qu'au pouvoir, mais n'oublie pas qu'on est tout petit. Comme des lions, on se battra jusqu'au bout pour montrer que l'harmonie est dans nos vies. Babylon Bang, t'es comme un fichier que l'on supprime. Tu ne penses qu'au pouvoir, mais n'oublie pas qu'on est tout petit. Comme des lions. Celle-ci, c'est un message adressé à tous. Que tu sois croyant ou non, c'est un message de paix. Non, parce qu'au final, on ne demande pas grand-chose. Ce que je demande, c'est la sagesse pour tous les hommes. Ce que je demande, c'est de nous tourner vers Zion. Ce que je demande, c'est pas de discrimination. Ce que je demande. Ce que je demande, c'est la sagesse pour tous les hommes. Ce que je demande, c'est de nous tourner vers Zion. Ce que je demande, c'est pas de discrimination. Ce que je demande, wow. Jusqu'au bout pour montrer que l'harmonie est dans nos vies. Babylon Bang, t'es comme un fichier que l'on supprime. Tu ne penses qu'au pouvoir, mais n'oublie pas qu'on est tout petit. Comme des lions. Blow. Oh mais Rasta, si vous savez à quel point je suis fan de cette chanson. Oh là là. Allez les amis, c'est l'heure de la devinette. Ah oui, comme d'habitude, il y a toujours une petite devinette hein, pour un artiste. Et bah là, c'est parti, c'est l'heure. Alors écoutez bien, hein, c'est parti. Sa musique a commencé à se faire connaître dans les années 2000 et il est d'origine suisse. Je sais, c'est peu, mais je pense que c'est assez pour trouver ce chanteur. Eh oui, je parle bien de Ayahuasca. La chanson est SM. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas, c'est du... Enfin, c'est de la bombe, tout simplement. Que le vainqueur, la bonne vibration. Tout le monde a droit à son jardin d'éther. Big up pour tous les cultivateurs. Mais c'est yo, Sam, écris notre jardin d'éther. Même si t'es pas jardinier, y'a pas de problème, sauf même. Tu t'es roué du soleil. Arrête de dépenser tes économies et tout ta paye. Vas-y, Sam, même si dans le système on dédaigne. Les planteurs de weed deviennent bien que des criminels, juste pour rappel. L'alcool fait des ravages à l'appel. Il est plus dangereux que les charmes de notre demoiselle. En Californie ou Amsterdam, on trouvait des coffees pour acheter des cellophane. Juste quelques grammes de cette herbe spéciale pour faire vibrer son âme sans excès fatal. Rêver dans les villes, rêver à la campagne, apprécier la vie comme ceux qui aiment le champagne. Ne plus être prisonnier des préjugés qui s'installent. Espérer qu'un jour que ces variétés soient légales. Après une journée de taf, rien ne va passer, discerne auprès des plantes. Prendre le temps de se ressourcer lorsque tes soucis et tes angoisses sans cesse te tourmentent. Elles savent te réconforter, repousse-toi et laisse-toi profiter d'un moment de détente. L'occasion de ne plus y penser, pas besoin de se cacher, non pas besoin que l'on se mente. Il suffit de monter la pente, c'est pas fini, offensive. Seul, et que notre jardin d'Éden, même si t'es pas jardinier, y'a pas de problème, se ramène. Tu t'es roué du soleil, arrête de dépenser tes économies et tout ta veille. Vas-y, seul, même si dans le système on dédaigne, les planteurs de weed deviennent pire que les criminels, juste pour rappel. L'alcool fait des ravages à l'appel, il est plus dangereux que le charme de notre demoiselle. Tu aimes son charme naturel, ses vertus médicales, tu aimes toutes celles qui prennent le bon solide tropical. Sans OGM, tu aimes quand elle est pure, c'est un régal. Tu te sens libre et reposé, on ne peut pas dire que ça fait mal. Sans produits chimiques, sans rien qui te pète le crâne, sans qu'elle te fatigue, sans qu'elle te condamne, que tu puisses rester actif et ne pas tomber en panne, sans devoir utiliser le fruit de tes épargnes. C'est yo, seul, et que notre jardin d'Éden, même si t'es pas jardinier, y'a pas de problème, se ramène. Tu t'es roué du soleil, arrête de dépenser tes économies et tout ta paye. Vas-y, seul, même si dans le système on dédaigne, les planteurs de weed deviennent pire que les criminels, juste pour rappel. L'alcool fait des ravages à l'appel, il est plus dangereux que le charme de notre demoiselle. Avec du temps, de la patience, t'inquiète, elle sera bonne. Bonne pour te guérir quand la vie devient monotone. Des tonnes et des tonnes pour tenir jusqu'au mois d'automne. Sans dépendre de l'extérieur, sans rien demander à personne. Why? Quoi qu'on en dise mon frère, quoi qu'on en dise ma soeur, j'ai pas l'impression que l'herbe soit bien pire que les liqueurs. Alors, quoi qu'on en dise mon frère, quoi qu'on en dise ma soeur, n'aie pas peur d'endosser le rôle de cultivateur. Alors, seul, dès que notre jardin d'Éden, même si t'es pas jardinier, y'a pas de problème, se ramène. T'es roué du soleil, arrête de dépenser tes économies et tout ta paye. Vas-y, seul, même si dans le système on dédaigne, les planteurs de weed deviennent pire que les criminels, juste pour rappel. L'alcool fait des ravages à l'appel, il est plus dangereux que le charme de notre demoiselle. Alors, seul, dès que notre jardin d'Éden, même si t'es pas jardinier, y'a pas de problème, se ramène. Tu t'es roué du soleil, arrête de dépenser tes économies et tout ta paye. Vas-y, seul, même si dans le système on dédaigne, les planteurs de weed deviennent pire que les criminels, juste pour rappel. L'alcool fait des ravages à l'appel, il est plus dangereux que le charme de notre demoiselle. Les amis, c'était Ayahuasca. Allez, continuons dès à présent avec notre avant-dernier chanteur qui se fait appeler Broussaille. Il va nous interpréter la chanson Positive. Vous allez voir, vous allez adorer. Sans toi toutes les bonnes ondes positives, partage-les pour qu'elles nous inondent. Positive, yo, positive, positive, that's the only way we have to live. Think positive, recherche en toi toutes les bonnes ondes positives, partage-les pour qu'elles nous inondent. Les choses prennent une tournure inattendue, mais la lumière va ressurgir quelque part. À nouveau ton destin va te sourire tôt ou tard. Le meilleur rempart contre le désespoir. Regarde les droits devant, c'est un nouveau départ. Get to you, just live it as it is. And live it positive. Keep the progression going and burn the negative. Just live it as it is. And live it positive. Babylon don't want it, I don't care how the people live. I live. Just live it positive. Too much grief, them a dig. Treat the people like a pig. Corruption, them massive. Well, righteousness we live. Rastafari is the ultimate. Think positive. Recherche en toi toutes les bonnes ondes. Positive. Partage-les pour qu'elles nous inondent. Positive. Yo. Positive, positive. That's the only way we are feeling. Think positive. Recherche en toi toutes les bonnes ondes. Positive. Partage-les pour qu'elles nous inondent. That's why I'm tell the get to youth them on the evil. Babylon will come to crush them like a weevil. Some will find out them mentally feeble. Hey, tell them stop it for a while. Find out the negativity, it only destroy the child, yeah. We see them off the bus MD contre-temps. Je relève la tête, âme d'un combattant. L'orage disparaît, le soleil éclatant. C'est la renaissance comme les fleurs au printemps. Par ton sourire le matin, me levant, ta joie me saisit, me rend tellement vivant. Quel est ce parfum qui flotte avec le vent, me pousse à me battre pour aller de l'avant. Yao, dans la boue, on porte sa vie, tel un fardeau. La prendre du bon côté, c'est un cadeau. Un simple caillou peut devenir le joyau. Suis-je capable de réécrire tout seul le scénario? Live, live, live, I trust in yourself, you can make it too. Live it up, live it up, live it up. Don't want to see, it's what you do. Rise, rise, rise up, look around, if you feel. En toi toutes les bonnes ondes positives, partage-les pour qu'elles nous inondent. Positive, mais c'est positive, positive, that's the only way we have to live. Think positive, recherche en toi toutes les bonnes ondes positives, partage-les pour qu'elles nous inondent. Positive, hey, positive, positive, that's the only way. Les amis, cette émission est déjà presque finie. Cette émission, elle passe vraiment trop vite, c'est fou. Quoi. C'est déjà notre dernier chanteur. Vous imaginez, ça se passe vraiment vite, quoi. Allez, la chanson est de Chronix, elle s'appelle Start Fire. Vous allez voir, c'est juste... On termine sur une bonne touche, on va dire. Vous allez voir, c'est juste génial. Again. See when the tables turn, me say I love her, I and I preaching, so every land of hate will burn. I was there when the ships came and chastised in a Jesus name. Wonder if me crazy, wonder if me sane, but the whole of Roma go go up in a flame. I know nothing to me back in a Roman, start a fire, start a fire. And I know nothing to me back in a Roman, start a fire, start a fire. God, oh, a little African, I go bun down me whole in a Vatican, but I know nothing for me walking around. Start a fire, start a fire. If I go home, the whole demography. And when me talk, I be no hypocritic. When you say Roma, I eat no geography. But if I you feel wear the cap, then I do it a fit. When me say Roma, I talk about liar. I the Selassie, I the power of the child. The eagle and the dragon and the bear spit fire, but them can't overthrow the conquering lion. Listen, listen to the voice of the people. Today Rome will burn. Me alone at the over evil. Said today Rome will burn. I know nothing for me walking a Roman, start a fire, start a fire. Yes, no nothing for me walking a Roman, start a fire. Me say a fire because them a ask, oh a little African. I go ignite the whole in a Vatican, but I know nothing for me walking a Rome, start a fire. Yes, I know me alone. I call a come. Teflon a walk with the eye collar bun. And when you feel the earthquake shake down a ground. And a gun, a shade that a come. I know nothing for me walking a room and start a fire, start a fire. And I know nothing for me walking a room and start a fire, start a fire. And then my heart's oh, a little African. Now go ignite the whole in a Vatican. And I know nothing for me walk in a room and start a fire, start a fire. Yes, I today, bro, will burn. Today, bro,